Bien des fois, l'amour rend solitaire. On cherche toujours un petit coin tranquille pour s'adonner à des rêveries. Surtout le soir, quand l'atmosphère est calme, on pense à celle qu'on aime. Se laissant planer dans l'imagination jusqu'à ce que le sommeil vous prend pour vous plonger dans l'irréel et demain penser à hier soir. Assis dans ma galerie, je méditais sur la vie. Je pense à toi. Mais pourquoi tu ne veux pas de moi? J'essaie de raisonner, mais je suis trop passionné. Mon cœur est pris dans un étau, plus de force pour échapper de ton fourreau. C'est une emprise de fer, je ne peux rien faire. Mon amour est au-delà de la raison, ton mépris est sa moisson. Chaque jour, il ne fait que grandir à un point tel qu'il devient éternel. Comme chaque soir, je vais me coucher avec dans ma tête ta pensée pour mieux dormir et te rêver et continuer à t'adorer.